forteresse inexpugnable. À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Face aux théories d'Alan Turing, l'homme qui a inventé une machine fictive qui serait capable de calculer tout ce qu'un cerveau humain est capable de calculer, et donc se situe dans une perspective finitiste, Gödel réaffirme la supériorité de l'esprit humain sur la machine et redéploie philosophiquement ses théories infinitistes. Pour Gödel, en effet, l'homme, par son esprit et sa raison, peut être capable de résoudre les questions et les problèmes qui se posent à lui. Dans son cours consacré à Kurt Gödel, Mathématiques, logique et philosophie, Jacques Bouvresse reprend cette citation de Gödel. « Si je suis une machine de Turing, alors je suis empêché par ma nature même d'obéir à l'injonction profonde de Socrate, connais-toi toi-même. » Citation que Jacques Bouvresse commente ainsi, Gödel dirait bien entendu que le degré élevé auquel nous sommes capables de nous connaître nous-mêmes constitue justement la preuve que nous ne sommes pas des machines de Turing. Jacques Bouvresse poursuit ce matin ce dont il avait commencé à nous parler hier, à savoir la manière dont Kurt Gödel s'est emparé de la philosophie, et très particulièrement de la phénoménologie, pour analyser un certain nombre de concepts. Gödel, en effet, cherchait à penser les conséquences de ses résultats en logique mathématique contre le matérialisme et le mécanisme. Il se trouve que d'après Gödel, je cite, « il y a en vérité aujourd'hui le commencement d'une science qui affirme posséder une méthode systématique pour une telle clarification de sens, donc la clarification du sens des concepts, hein, pour une telle clarification de sens qui nous permet d'étendre la connaissance des concepts abstraits, et c'est la phénoménologie qui a été fondée par Husserl. » Donc c'est là qu'entre en scène la phénoménologie comme méthode d'analyse des concepts, qui est susceptible d'être appliquée précisément au problème dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'analyse des concepts mathématiques qui est capable de nous conduire, si vous voulez, à la perception, à l'appréhension de nouveaux axiomes susceptibles de nous permettre de décider davantage de questions, de décider des questions qui jusqu'à présent s'étaient révélées indécidables. Voilà donc la raison précise pour laquelle Gödel, à un moment donné, a été amené à s'intéresser de près à la phénoménologie de Husserl. Ici est intéressé comme une discipline qui nous fournit une technique extrêmement précieuse et même indispensable pour l'analyse des concepts fondamentaux en tant que cette analyse donc est susceptible de faciliter la découverte d'axiomes nouveaux et susceptibles d'être reconnus encore une fois, non seulement comme vrai, mais également comme évident. Alors, une des choses dont une machine est certainement incapable est la clarification phénoménologique du sens. Laquelle clarification phénoménologique du sens, dans l'esprit de Gödel, peut conduire à la formulation de nouveaux axiomes évidents, indépendants de ceux qui avaient été introduits jusque-là. Mais, si on tient compte de cette possibilité qu'a l'esprit humain, il n'y a pas de raison de croire qu'il existe des questions absolument indécidables pour lui. C'est que l'esprit humain, en effet, peut toujours pousser plus loin l'analyse des concepts fondamentaux impliqués dans ces théories, en particulier le concept d'ensemble, et en poussant plus loin l'analyse des concepts en question par des techniques diverses, notamment la technique de la clarification de sens phénoménologique, il peut espérer arriver à de nouveaux axiomes qui permettront de décider de nouvelles questions. Gödel observe que ce qu'il a dit va non seulement dans le sens de Husserl, mais déjà entièrement dans celui de Kant. Sinon, pour ce que Kant dit de la géométrie, du moins pour ce qui concerne les mathématiques dans leur ensemble. C'est un passage que je vais vous lire, qui est d'ailleurs assez surprenant. Comme vous allez le voir, l'interprétation que Gödel adopte en ce qui concerne Kant est par bien des côtés assez déconcertante. Il dit par exemple ceci: « J'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette appréhension intuitive d'axiomes toujours nouveaux est logiquement indépendant des précédents, qui est nécessaire pour la résolubilité de tous les problèmes, même dans un domaine très limité, coïncide dans son principe avec la conception kantienne des mathématiques. » Alors, on vient de voir que, antérieurement, qu'au fond, il a eu tendance à chercher chez Husserl un correspondant, plus ou moins un corrélat exact de ce à quoi il avait lui-même abouti par des chemins tout à fait différents. À partir de cette question, de savoir s'il existe ou non, s'il pourrait exister ou non des questions mathématiques absolument indécidables. Alors, il a tendance donc à se référer à Husserl, mais en réalité, comme on va le voir, il considère que Kant avait déjà dit l'essentiel. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette appréhension intuitive d'axiomes toujours nouveaux est logiquement indépendante des précédents, qui est nécessaire pour la résolution, pour la résolubilité de tous les problèmes, même dans un domaine très limité, coïncide dans son principe avec la conception kantienne des mathématiques. Assurément, ajoute-t-il, les déclarations de Kant sur ce point, si elles sont comprises de façon littérale, sont inexactes, car Kant affirme que pour la dérivation des théorèmes géométriques, nous avons besoin d'intuitions géométriques toujours nouvelles. C'est démontrablement faux. Donc c'est faux si on se réfère à la géométrie, mais dit Gödel dans cet énoncé, nous remplaçons le terme géométrique par mathématique ou par ensembliste, surtout si nous le remplaçons par ensembliste, alors cela devient un énoncé démontrablement vrai. Je crois que c'est une propriété générale de bien des assertions de Kant que, comprises littéralement, elles sont fausses, mais dans un sens plus général, elles contiennent des vérités profondes. Alors, ce qui est évidemment le plus remarquable, c'est le début de ce passage. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que cette appréhension intuitive d'axiomes toujours nouveaux est logiquement indépendante des précédents. Ça évoque un peu, si vous voulez, l'idée kantienne que nous avons besoin sans cesse de constructions mathématiques. Nous avons besoin de constructions mathématiques toujours nouvelles. Bah, est-ce que ça peut être immédiatement transposé à l'idée que, est-ce que ça peut être compris comme ayant un rapport direct avec ce que Gödel appelle l'appréhension intuitive d'axiomes toujours nouveaux et logiquement indépendant des précédents? Est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit chez Kant? C'est évidemment toute la question. Alors, je ne vais pas avoir le temps de la discuter aussi sérieusement qu'il le faudrait, mais il faut que vous sachiez que pour Gödel, d'une certaine manière, toute la méthode phénoménologique telle que qu'elle a été défendue et exposée, telle qu'elle a été exposée et défendue par Husserl, dérive en fait de Kant. Hein, il dit ceci: ce que Husserl a fait a été simplement qu'il l'a, cette méthode phénoménologique, qu'il l'a pour commencer formulée de façon plus précise et rendue pleinement consciente, et l'a appliqué réellement à des domaines particuliers. Donc il y a des moments dans lesquels, il y a des moments où Gödel donne l'impression de penser que finalement Husserl n'a pas ajouté énormément de choses à ce que Kant avait déjà fait. Gödel semble partager la conviction de Husserl que la phénoménologie est la réalisation de l'idée même de la philosophie, ce qui est une des idées centrales de Husserl. Donc la phénoménologie représente un peu ce qu'on pourrait appeler le telos de toute l'histoire de la philosophie. Donc c'est la réalisation de l'idée même de la philosophie. Mais Gödel, en même temps, a tendance à penser que toute la philosophie kantienne, même si c'est de façon quelque peu obscure, repose sur l'idée de la phénoménologie, et que c'est par conséquent Kant qui a introduit dans la pensée cette chose, je cite, c'est Gödel qui parle, cette chose complètement nouvelle et justement caractéristique de toute philosophie authentique. Donc c'est Kant qui, d'après Gödel, aurait introduit dans la philosophie cette chose essentielle, la dimension proprement phénoménologique, ce qu'il appelle donc cette chose, je cite à nouveau, complètement nouvelle et justement caractéristique de toute philosophie authentique. Comme on peut le remarquer, il semble faire peu de cas des insuffisances que Husserl, en dépit de la déférence qu'il manifeste à l'égard de Kant, lui reproche, et notamment de l'incapacité dans laquelle Kant, d'après Husserl, s'est trouvé de formuler la question transcendantale à propos de la logique elle-même. C'est un des reproches fondamentaux que Husserl adresse à Kant, dont Gödel ne semble pas faire grand cas, dont il n'est probablement pas véritablement conscient. Donc, entre autres reproches formulés contre Kant, il y a celui-là, celui de n'avoir pas fait ce que Husserl a été le premier à faire réellement, c'est-à-dire formuler la question transcendantale à propos de la logique elle-même. Il est vrai que On peut se demander jusqu'à quel point Gödel est réellement intéressé et concerné lui-même par le questionnement transcendantal. Ça me semble être la grosse question que soulève sa relation à Husserl. Et on peut se demander, en allant même un peu plus loin que cela, s'il est réellement conscient de ce qu'implique véritablement le fait d'adopter ce qu'on pourrait appeler la posture transcendantale à l'égard de la logique elle-même. En réalité, on a l'impression, c'est en tout cas l'impression que j'ai personnellement, à chaque fois que je le lis, on a l'impression que pour lui, quiconque défend, comme Kant, un point de vue qui est à la fois a prioriste, antiformaliste et anticonventionnaliste, et souligne la nécessité pour les mathématiques de recourir essentiellement et de façon constante à l'intuition, donc quiconque fait cela est déjà pratiquement un adepte du platonisme mathématique. En somme, assez souvent, Gödel donne l'impression qu'il suffit de lui accorder ça, c'est-à-dire il suffit d'adopter une position qui est a priori, c'est-à-dire les mathématiques, les propositions mathématiques sont des propositions a priori et non des propositions empiriques, d'être antiformaliste et d'être également anticonventionnaliste, c'est même presque encore plus important, et puis d'être convaincu, ce qui bien sûr est dans deux sens différents, le cas à la fois de Kant et de Husserl, que nous sommes obligés de recourir constamment en mathématiques à des intuitions nouvelles, donc il suffit d'avoir admis ça pour mériter déjà en quelque sorte le titre honorifique de platonicien en mathématiques. Or, ça c'est totalement déconcertant, et c'est spécialement déconcertant en ce qui concerne Kant. Je crois qu'en ce qui concerne Kant, c'est Wiedemann qui a raison, Jules Wiedemann, quand il écrit à propos de la conception kantienne. Évidemment, quoi qu'en pense Gödel, Kant est bien le dernier à considérer que les propositions mathématiques portent sur des objets qui habitent un univers mathématique complètement indépendant de l'esprit humain. Je vous ai reproduit donc deux passages assez éclairants de Wiedemann sur cette question. Wiedemann dit « Certes, Kant a pleinement admis en mathématiques les preuves apagogiques. Il approuve ainsi la démonstration par l'absurde que l'envers a donné de l'irrationalité de pi, mais la raison de son approbation est tirée du caractère subjectif des connaissances mathématiques où fait défaut toute assertion sur un objet et donc aussi tout risque de substituer le subjectif à l'objectif. » Et de fait, dans la philosophie des mathématiques kantiennes, on ne peut pas parler des propositions mathématiques comme portant véritablement, en tout cas comme portant pleinement sur des objets qui mériteraient d'être appelés des objets mathématiques. Bon, la raison de cela, c'est que les mathématiques ne deviennent une science d'objets que dans la mesure où elles sont appliquées aux sciences de la nature, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la physique mathématique. Mais les mathématiques, si vous voulez, ne possèdent pas le genre d'autonomie auquel songe Gödel, qui les rendrait capables d'avoir leur propre univers constitué d'objets, donc d'objets susceptibles de peupler ce qu'on peut appeler un monde mathématique autonome, c'est-à-dire indépendant à la fois de l'esprit humain et de la réalité naturelle. Le modus tollens, écrit Wiedemann, se réduit à un raccourci provisoire pour l'expérience vivante d'une construction qui la remplacera tôt ou tard. Il deviendrait-il légitime si les mathématiques recevaient les jeux conceptuels de la théorie des ensembles? La question de savoir est-ce que, d'un point de vue kantien, il aurait été possible d'accepter la théorie des ensembles, plus précisément la théorie des ensembles transfinis, évidemment, il y a d'assez bonnes raisons de penser que la réponse est non. Alors Gödel aurait sûrement été un peu plus gêné par ce que dit Kant s'il avait été capable de prendre au sérieux ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire le fait que stricto sensu, les propositions mathématiques ne formulent pas d'assertion à propos d'objets mathématiques auxquels on pourrait accorder un statut comparable à celui des objets physiques. Les mathématiques, pour Kant, n'ont pas d'objet proprement dit, mais seulement des quasi-objets, et la question de la vérité de leur construction ne se pose qu'à partir du moment où on prend en considération la contribution qu'elles apportent à la possibilité de l'expérience en général. C'est même dans cette façon de les considérer que réside l'essentiel de ce qu'on peut appeler le point de vue transcendantal. Et c'est la raison pour laquelle je me pose sérieusement la question de savoir si Gödel a jamais cherché, et a fortiori a jamais réussi à adopter véritablement un point de vue qui mériterait d'être qualifié de transcendantal. Wiedemann dit aussi à propos de la réponse kantienne, c'est le deuxième texte que vous avez, on peut l'épurer d'éléments imposés par les circonstances, surtout de cette imagination spatiale à laquelle Kant s'en remettait ici pour ajuster les constructions aux démonstrations apagogiques, là pour équilibrer l'observation du sens commun et l'expérimentation bourrée de théories, épuré l'idéalisme transcendantal, traduit les choix révolutionnaires et déviants de l'intuitionnisme mathématique et de la physique phénoménologique. Donc vous voyez, ce que Wittgenstein suggère est que si on cherche à savoir à quoi peut conduire, à quel genre de position philosophique peut conduire l'idéalisme transcendantal, une fois qu'il a été épuré de certains éléments, historiquement contingents, à quel genre de position philosophique est-il susceptible de conduire? Ben, Wittgenstein répond que c'est probablement pas le réalisme mathématique, mais plutôt, il est susceptible de conduire plutôt à ce qu'il appelle des choix révolutionnaires et déviants comme ceux de l'intuitionnisme mathématique et de la physique phénoménologique. Et il ajoute, à force de rogner les ailes de la spéculation, Kant ampute la connaissance et la fait marcher d'un pas pesant et disgracieux. Fin de citation. Il va sans dire que c'est le genre de choses que Gödel ne devrait pas beaucoup aimer, mais encore une fois, il sait visiblement, il a eu tendance à se fabriquer visiblement son propre Kant, hein, qui n'est pas forcément très proche du Kant réel. Alors si Wittgenstein a raison, s'il est dans le vrai, et je suis convaincu personnellement qu'il l'est, ce n'est sûrement pas dans la direction du réalisme, qu'il s'agisse du réalisme physique ou du réalisme mathématique, que mène en premier lieu l'idéalisme transcendantal kantien. En ce qui concerne l'idéalisme transcendantal husserlien, dont Gödel sous-estime sûrement la distance qu'il prend explicitement par rapport à celui de Kant, la question est plus compliquée. Et le problème se pose en particulier de savoir si c'est le choix du classicisme mathématique, qui est celui que fait Husserl, ou ce que Wittgenstein appelle le choix révolutionnaire et déviant de l'intuitionnisme mathématique, qui s'accorde en théorie le mieux avec les présupposés de la phénoménologie transcendantale. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui est le, si vous voulez, quelle est l'option philosophique qui semble résulter de la façon la plus logique de l'idéalisme transcendantal? Est-ce que c'est le réalisme mathématique, et plus précisément un réalisme mathématique fort, hein, je veux dire, une forme de platonisme à la Gödel? Est-ce que c'est ça qui est le plus en accord avec l'idéalisme transcendantal, ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt l'intuitionnisme mathématique? Alors, j'espère, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur cette question. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est bien possible que là aussi Gödel ait conclu un peu vite que les ennemis de ses ennemis devaient nécessairement être ses amis, et ce, du réalisme platonicien. Je disais tout à l'heure qu'il avait tendance à penser que du moment qu'on était aprioriste, antiformaliste et anticonventionnaliste, on était déjà quasiment platonicien. Bon. Du moment que vous combattez les ennemis de Gödel, vous avez tendance à devenir les amis de Gödel, et donc à être considérés au moins potentiellement comme des platoniciens. Ce qui semble tout de même pas très plausible, en tout cas à coup sûr, en ce qui concerne Kant. Alors, en ce qui concerne Husserl, c'est nettement plus compliqué. J'ai d'ailleurs l'intention d'essayer de vous en dire un peu plus sur cette question. Alors Gödel insiste beaucoup sur le fait que, je cite, « l'inexhaustibilité des mathématiques apparaît non seulement à travers les recherches fondationnelles, mais également dans le développement réel des mathématiques. Donc on se rend compte que les mathématiques sont inépuisables. » J'ai essayé de préciser en quel sens il faut comprendre cette inépuisabilité ou inexhaustibilité des mathématiques. Mais Gödel dit ici que ça se manifeste de deux façons, hein, à travers les recherches fondationnelles, et notamment à travers des résultats comme ceux auquel Gödel lui-même est arrivé, puis également dans le développement réel des mathématiques, par exemple, dit-il, dans la série illimitée d'axiomes de l'infini dans la théorie des ensembles, qui sont analytiques, entre parenthèses, et évidents, en ce sens qu'ils ne font qu'expliquer le contenu du concept général d'ensemble. Donc, encore une fois, on est amené à ajouter indéfiniment de nouveaux axiomes, hein, auxquels on ne peut arriver que progressivement, donc pas un processus constitutivement historique. Hein. Encore une fois, il est tout à fait exclu que l'on puisse disposer de tous les bons axiomes en même temps. Hein. Ça ne peut se faire que graduellement. Qu'une telle série puisse impliquer un nombre très grand, et peut-être même infini, de perceptions rationnelles indépendantes, effectivement réalisables, est une chose dont on peut se rendre compte d'après le fait que les axiomes concernés ne sont pas évidents depuis le début, mais ne le deviennent que dans le cours du développement des mathématiques. Hein. Vous avez donc à nouveau l'affirmation tout à fait claire du fait qu'il est impossible de disposer dès le départ de tous les axiomes nécessaires pour décider toutes les questions mathématiques que nous aimerions réussir à décider. Qu'une telle série puisse impliquer un nombre très grand, peut-être même infini, de perceptions rationnelles indépendantes. Gödel, j'ai déjà eu l'occasion de vous citer des textes où il le dit Encore plus clairement, Gödel pense que une des caractéristiques de l'esprit humain, c'est le fait qu'il est capable de disposer d'un nombre potentiellement illimité de perceptions rationnelles indépendantes, ce dont, encore une fois, une machine serait par essence incapable. Donc, qu'une telle série puisse impliquer un nombre très grand, peut-être même infini de perceptions rationnelles indépendantes, effectivement réalisables, est une chose dont on peut se rendre compte d'après le fait que les axiomes concernés ne sont pas évidents depuis le début, mais ne le deviennent que dans le cours du développement des mathématiques. Par exemple, ne serait-ce que pour comprendre le premier axiome de l'infini transfini, on doit d'abord avoir développé la théorie des ensembles dans une mesure considérable. Donc les choses doivent nécessairement se faire dans un certain ordre. Qui plus est, si toute question arithmétique du type Goldbach est décidable par une démonstration mathématique, il doit exister un ensemble infini d'axiomes indépendants évidents. Ça, c'est une des choses importantes sur lesquelles j'ai insisté dans les séances précédentes, c'est que simplement pour pouvoir affirmer, simplement pour être en mesure d'affirmer que toute question arithmétique du type de celle qui est posée par la conjecture de Goldbach, pour pouvoir affirmer que toute question de cette sorte doit être décidable par une démonstration mathématique, il faut pouvoir être certain qu'il existe un ensemble infini d'axiomes. Rien pour ça, il nous faut un ensemble potentiellement infini d'axiomes indépendants évidents, c'est-à-dire, dit Gödel, un ensemble petit m d'axiomes évidents qui ne sont pas dérivables d'un ensemble fini quelconque, le mot quelconque est souligné, d'un ensemble fini quelconque d'axiomes, que les axiomes en question appartiennent ou non à petit m et soient ou non évidents. Alors, dans une note, Gödel explique ce qu'il entend par un concept transfini. Je vous cite la note, je crois que je l'ai reproduite d'ailleurs. Un exemple de concept transfini, c'est-à-dire non constructif, est « il existe » si cette expression signifie l'existence d'un objet sans égard à la productibilité réelle. Ensemble infini est un concept abstrait ou transfini, selon que l'on a en vue l'infinité potentielle ou l'infinité actuelle. Si on a en vue simplement l'infinité potentielle, c'est un concept abstrait, si on a en vue l'infinité actuelle, c'est un concept transfini stricto sensu. Les concepts abstraits et transfinis pris ensemble forment la classe des concepts non finitaires. Bon, c'est une précision terminologique qui a évidemment son importance. Alors, dans les années 1970, Gödel a dit Hao Wang ceci: notre théorème d'incomplétude rend probable le fait que l'esprit n'est pas mécanique, ou bien l'esprit ne peut pas comprendre son propre mécanisme. J'avais déjà évoqué cet argument de Gödel. Ou bien l'esprit n'est pas mécanique, s'il était mécanique, on devrait en conclure qu'il ne peut pas comprendre son propre mécanisme, ce qui, évidemment, d'après Gödel, contredit le degré important auquel nous semblons être en mesure de comprendre effectivement notre propre mécanisme. Donc, notre terme d'incomplétude rend probable le fait que l'esprit n'est pas mécanique, ou bien l'esprit ne peut pas comprendre son propre mécanisme. Si notre résultat est pris avec l'attitude rationaliste qu'avait Hilbert, et qui n'a pas été réfutée par nos résultats, autrement dit, les résultats de Gödel n'ont en aucune façon établi qu'il pourrait exister des propositions mathématiques absolument indécidables. Donc, si notre résultat est pris avec l'attitude rationaliste qu'avait Hilbert, et qui n'a pas été réfutée par nos résultats, alors nous pouvons inférer de cela la conclusion tranchante que l'esprit n'est pas mécanique. Si c'est le cas, parce que si l'esprit était une machine, il existerait, contrairement à cette attitude rationaliste, des questions de théorie des nombres indécidables pour l'esprit humain. Voilà le point crucial. Donc, si nous sommes prêts à adopter le postulat rationaliste de Hilbert, c'est-à-dire il n'y a pas d'ignorabimus en mathématiques, donc pas de question, pas de raison de croire qu'il pourrait exister en mathématiques des questions que l'esprit humain est incapable de décider. Si nous sommes prêts à adopter ce postulat, qui encore une fois n'est contredit en aucune façon par les théorèmes, ce qu'on appelle les théorèmes de limitation, comprenez les résultats d'indécidabilité, alors nous avons de bonnes raisons de penser que l'esprit humain n'est pas une machine, parce que nous savons. Et alors là, nous savons en grande partie grâce aux résultats, bien sûr, qui ont été obtenus par Gödel, si l'esprit était une machine, alors il existerait pour lui, contrairement au postulat rationaliste de Hilbert, des questions de théorie des nombres, même pas, si vous voulez, des questions de, même pas besoin d'aller jusqu'à des questions de théorie des ensembles, extraordinairement abstraites, il existerait, si l'esprit était une machine, il existerait des questions de théorie des nombres qui sont indécidables pour l'esprit humain. Donc c'est ce que Gödel dit à Wang. Alors, dans la version 3 de l'article dont il existe 6 versions, hein, qu'il a rédigées pour le volume de Schilp consacré à Carnap, et qu'il a finalement renoncé à publier, Gödel explique qu'un concept comme démonstration est un concept abstrait s'il est pris dans son sens original, dans son sens premier, contentuel. C'est-à-dire, dit-il, je cite, si démonstration veut dire non pas une suite d'expressions satisfaisant certaines conditions formelles, mais une suite de pensées qui convainc un esprit sain. Saint et saïenne. Alors, ça veut dire qu'il y a deux concepts de démonstration. Il y a le concept de démonstration purement formel, c'est-à-dire suite d'écriture, qui s'enchaîne conformément à ce qu'on appelle des règles d'inférence, qui ne comportent aucune espèce de référence à la signification des expressions en question. Et puis il y a ce que Gödel appelle le concept contentuel de la démonstration. Donc c'est la démonstration pourvue d'un contenu, hein, et ça veut dire, comme il le précise, démonstration veut dire ici, comme il le précise, non pas une suite d'expressions satisfaisant certaines conditions formelles, mais une suite de pensées qui convainc un esprit sain. La question de savoir s'il existe ou non des propositions mathématiques absolument indécidables peut être comprise comme étant celle de savoir s'il existe ou non des propositions mathématiques qui sont inaccessibles à la démonstration ou à la réfutation, non pas dans un système formel de telle ou telle espèce, mais au sens abstrait du concept de démonstration. Si vous prenez le concept de démonstration au sens formel, évidemment, on sait que pour n'importe quel système dans lequel a été incorporée une notion de démonstration comprise de façon purement formelle, pour n'importe quel système de cette sorte, il y aura des propositions que le système ne permet pas de décider, c'est-à-dire qui ne sont ni démontrables ni réfutables dans le système. Le problème que nous sommes en train de considérer, c'est-à-dire la question de savoir s'il existe ou non des propositions mathématiques absolument indécidables, n'est pas ce problème-là, donc c'est le problème de savoir s'il ne pourrait pas exister, le cas échéant, des propositions mathématiques qui sont inaccessibles à la démonstration au sens contentuel, c'est-à-dire à la démonstration au sens original et premier du terme, la démonstration comprise comme étant, je cite à nouveau la formule de Gödel, une suite de pensées qui convainc un esprit sain. Or, Gödel soutient que son résultat d'incomplétude permet de formuler ce qu'on peut appeler un théorème disjonctif. Je crois que vous l'avez déjà évoqué. Il envisage la possibilité que, parmi les propositions absolument indécidables, s'il en existe, figurent des propositions diophantiennes d'une certaine sorte. Bon, je n'insiste pas sur les détails qui sont un petit peu techniques. Donc, il envisage cette possibilité que parmi les propositions absolument indécidables se trouvent des propositions diophantiennes d'une certaine sorte, et il estime être en mesure de démontrer ceci que, je cite, ou bien les mathématiques sont incomplétables en ce sens que leurs axiomes évidents ne peuvent jamais être compris dans une règle finie, c'est-à-dire l'esprit humain, même à l'intérieur du domaine des mathématiques pures, surpasse infiniment les pouvoirs de n'importe quelle machine finie, ou bien alors, il existe des problèmes diophantiens absolument insolubles de l'espèce spécifiée, le cas dans lequel les deux termes de la disjonction sont vrais n'étant pas exclus, de sorte que l'alternative comporte, à strictement parler, 3 branches. Alors ça, ce théorème, il contient évidemment un résultat extrêmement important, même s'il s'agit d'une proposition catégorique, comme vous voyez, il s'agit d'une alternative. Gödel estime qu'on peut conclure des résultats auxquels il est parvenu, qu'on a le choix entre deux possibilités, et ce choix la disjonction n'est pas exclusive, hein, c'est-à-dire que ce pourrait que les deux termes soient vrais simultanément. Ou bien, dit-il, les mathématiques sont incomplétables, en ce sens que leurs axiomes évidents ne peuvent jamais être compris dans une règle finie, c'est-à-dire l'esprit humain, même à l'intérieur du domaine des mathématiques pures, surpasse infiniment les pouvoirs de n'importe quelle machine finie, donc ou bien l'esprit humain est constitutivement supérieur à n'importe quelle machine finie, ou bien alors, il existe des problèmes diophantiens absolument insolubles d'une certaine espèce, hein, le cas dans lequel les deux termes de la disjonction sont vrais n'étant pas exclus, de sorte que l'alternative comporte à strictement parler 3 branches. Alors il faut que nous regardions d'un peu plus près en quoi consiste cette alternative, parce que là nous touchons évidemment à ce qui peut être considéré comme un des résultats philosophiques incontestables auxquels Gödel estime être parvenu. Bon, de temps en temps, quand même, il arrive de dire, voilà, des résultats que j'ai obtenus, on peut tirer telle ou telle conclusion philosophique. Et au nombre de ce qu'on peut appeler, au nombre de ses conclusions philosophiques, figure un théorème, entre guillemets, qui peut être considéré comme un théorème véritablement philosophique et qui est exprimé dans la disjonction dont je viens de vous indiquer, dont je viens de vous donner les termes. Alors, c'est, selon Gödel, ce fait mathématiquement établi, le fait exprimé dans la disjonction que vous avez ici. C'est pour ça qu'on peut parler légitimement de théorème. Il n'arrive que de façon rarissime que l'on puisse parler de résultats philosophiques, établis de façon démonstrative, mais de temps en temps, en tout cas, c'est la conviction de Gödel, il peut y en avoir. Et là, nous en avons un. Hein. Nous avons un résultat, donc un fait mathématiquement établi, et c'est, selon Gödel, le résultat le plus intéressant du point de vue philosophique. Je me suis même permis de le qualifier de théorème philosophique. Puisque la disjonction est inclusive, il faut distinguer en fait trois possibilités. Donc il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. Premièrement, l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie et il n'y a pas de question mathématique absolument insoluble. Ça, c'est la position que défend Gödel, hein, pour laquelle il pense avoir de bons arguments. Donc l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie, et il n'y a pas de question mathématique absolument insoluble. N'oubliez pas que ce qui est démontré stricto sensu est ce qui est exprimé dans cette disjonction, évidemment, parce qu'il n'est pas, Gödel n'affirme à aucun moment avoir démontré que nous sommes contraints d'adopter la branche numéro 1 de l'alternative, c'est-à-dire l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie, et il n'y a pas de question mathématique absolument insoluble. Bon, c'est seulement la première possibilité qui s'offre à nous, donc. 1. L'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie et il n'y a pas de question mathématique absolument insoluble. 2. Deuxième possibilité, l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie et il y a des questions mathématiques absolument insolubles. Il est en effet conçoit que l'esprit humain ne soit pas équivalent à une machine finie. Il pourrait par exemple disposer d'un nombre potentiellement illimité d'états et se trouver néanmoins confronté à des problèmes qu'il est intrinsèquement incapable de résoudre. Donc, la deuxième possibilité, c'est que l'esprit humain ne soit pas équivalent à une machine finie et qu'il y ait en même temps des questions mathématiques absolument insolubles. Enfin, troisième possibilité, l'esprit humain est équivalent à une machine finie et par conséquent, il y a des questions mathématiques absolument insolubles. On peut même aller plus loin, on peut même dire qu'il y a il y aura des questions diophantiennes qui sont absolument irrésolubles. Alors là, la deuxième proposition, dans cette conjonction, hein, l'esprit humain est équivalent à une machine finie et par conséquent il y a des questions mathématiques absolument insolubles, la deuxième proposition est une conséquence de la première. Alors Gödel n'exclut pas l'éventualité que, en dépit du fait que les possibilités de l'esprit surpassent celles de n'importe quelle machine finie, il n'exclut pas qu'il puisse y avoir néanmoins des questions mathématiques absolument insolubles. Parce que il serait conçoit que nous puissions décider beaucoup plus de questions que n'importe quelle machine finie, mais que nous soyons néanmoins incapables de décider toutes les questions mathématiques qui sont susceptibles de se présenter. C'est tout à fait envisageable. Hein. Donc le fait qu'avoir établi que l'esprit humain est supérieur à n'importe quelle machine finie ne permet pas de conclure immédiatement qu'il n'existe pas de questions absolument insolubles pour l'esprit humain. Mais Gödel pense que la proposition qui décrit la situation réelle est la première des trois que j'ai formulées, c'est-à-dire l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie quelconque, et la conséquence qui résulte de cela est qu'on peut le présumer capable de résoudre un nombre de plus en plus grand, et en fait illimité, de questions pour l'instant non décidées. Alors évidemment, ça c'est un choix qui est, encore une fois, n'est pas le résultat d'une démonstration, mais c'est un choix philosophique qui peut être effectué sur la base d'arguments qui pèsent d'un certain poids, et même d'un poids certain. L'esprit humain donc n'est pas équivalent à une machine finie quelconque, et la conséquence qui résulte de cela donc est que on peut supposer raisonnablement qu'il est capable de résoudre un nombre de plus en plus grand, et en fait un nombre potentiellement illimité de questions pour l'instant non décidées. Il n'y a par conséquent pas de raison de supposer qu'il pourrait exister des questions mathématiques absolument insolubles, puisque les questions qui ne peuvent pas être résolues pour le moment le seront peut-être, enfin en tout cas on peut l'espérer, pourront l'être plus tard. Si elles ne peuvent pas être résolues, c'est probablement parce que nous ne disposons pas encore des bons axiomes. C'est ce qui se passe en particulier pour Gödel avec une proposition comme l'hypothèse du continu dans la théorie des ensembles transfinis. Hein, la position, il y a la position que Gödel a toujours défendue, qu'il a défendue jusqu'à la fin, que il faut pas se hâter d'affirmer que les propositions de cette mathématique de cette sorte sont insolubles, simplement parce que nous ne pouvons pas être certains de disposer pour le moment des bons axiomes, et qu'il est tout à fait possible qu'à un stade ultérieur du développement de la théorie des ensembles, nous soyons capables de tomber sur un axiome, enfin de parvenir à un axiome supplémentaire qui nous permettrait de décider ce genre de questions. Je suis en train d'essayer pour le moment de vous expliquer en quoi consiste exactement la position de Gödel, et pas de la justifier, parce qu'on peut évidemment être passablement sceptique sur la possibilité que les choses se passent de cette façon en ce qui concerne la théorie des ensembles. Mais en tout cas, on voit, enfin j'espère que vous voyez assez clairement de quelle façon il argumente, hein, il considère qu'il y a une chose qui est établie de façon démonstrative, c'est la disjonction à trois branches, dont je vous ai indiqué le contenu, et puis il opte donc pour la branche numéro 1 de l'alternative, sur la base d'arguments qu'il considère comme, sinon démonstratifs, du moins suffisamment probants. Alors Gödel note, en plus de cela, que les branches de l'alternative qu'il a formulées sont opposées au matérialisme. Alors la branche petit a, c'est-à-dire la branche petit a, c'est l'esprit humain n'est pas équivalent à une machine finie, il n'y a pas de question mathématique absolument insoluble. Alors cette branche-là va contre l'identification du cerveau à l'esprit, c'est lui qui parle, et la branche petit b réfute la conception selon laquelle les objets mathématiques sont notre création. Alors, attendez, peut-être pour que vous y retrouviez, oui, il faut que je revienne au texte initial, ou bien les mathématiques sont incomplétables, en ce sens que leurs axiomes évidents ne peuvent jamais être compris dans une règle finie, c'est-à-dire l'esprit humain, même à l'intérieur du domaine des mathématiques pures, surpasse infiniment les pouvoirs de n'importe quelle machine finie, ça va d'après Gödel contre le matérialisme, hein. Deuxième possibilité, mais il y en a en réalité trois, parce que ces deux possibilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre, ou bien alors il existe des problèmes diophantiens absolument insolubles d'espèces spécifiées. Donc, Gödel note que les branches de l'alternative qu'il a formulées sont opposées au matérialisme. Je cite textuellement ce qu'il dit: « La branche petit a va contre l'identification du cerveau à l'esprit. La branche petit b réfute la conception selon laquelle les objets mathématiques sont notre création. » Alors là, évidemment, on va voir qu'il y a un petit problème. Gödel a l'air de supposer que si les objets mathématiques étaient notre création, ce qu'il ne croit pas, nous devrions être en mesure de décider n'importe quelle question les concernant. Par conséquent, il adopte un point de vue d'après lequel, quand un objet est le résultat d'une construction que nous avons effectuée, nous-mêmes, on doit être en mesure de décider à propos de n'importe quelle propriété s'il la possède ou non, ce qui est une chose qui ne va pas du tout de soi. Hein. Il est utile de signaler dès à présent cette difficulté. Un bon nombre de philosophes des mathématiques ont fait remarquer qu'il n'est pas certain que l'alternative découverte, invention, soit très satisfaisante. Bon, il y a en gros deux types de philosophie des mathématiques qui s'opposent sur ce point. Il y a ceux qui considèrent que les objets mathématiques, les propositions mathématiques, les vérités mathématiques font l'objet d'une découverte, donc ils font partie d'un univers complètement indépendant de nos activités de connaissance, que nous reconnaissons progressivement, que nous sommes amenés à reconnaître progressivement. Ça, c'est, si vous voulez, le langage ou la métaphore de la découverte. Et puis, il y a ceux qui considèrent que les réalités mathématiques sont le résultat d'une activité de construction. Donc, elles sont les objets mathématiques sont inventés plutôt que découverts. Et certains ont fait remarquer que ce choix que nous sommes supposés devoir effectuer entre la métaphore de la découverte et celle de l'invention n'était pas très satisfaisant, parce que il est tout à fait concevable que même à propos d'un objet que nous avons inventé, il nous reste un bon nombre de choses à découvrir. Ce n'est pas parce qu'on a construit un objet, parce qu'on a fabriqué un objet, qu'on peut être certain que toutes ses propriétés vont être immédiatement accessibles et vont pouvoir être reconnues sans difficulté. Mais en tout cas, Gödel ne voit pas les choses de cette manière. Il considère que le fait que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de question mathématique absolument indécidable, alors ça semble réfuter la conception d'après laquelle les mathématiques sont notre création, notre propre création, encore une fois, parce que si elles l'étaient, nous aurions les meilleures raisons qui soient de penser qu'il ne peut pas y avoir de question mathématique indécidable pour nous. Alors, si c'est la première branche de l'alternative qui est vraie, Cela semble impliquer que le fonctionnement de l'esprit ne peut pas être réduit à celui du cerveau. Pour quelle raison? Bien parce que, dit Gödel, selon toutes les apparences, le cerveau est une machine finie avec un nombre fini de parties, à savoir les neurones et leurs connexions. Donc si il y a de bonnes raisons de penser que l'esprit humain surpasse infiniment, je reprends les termes de Gödel, surpasse infiniment les pouvoirs de n'importe quelle machine finie, et se trouve dans cette position de supériorité parce que précisément il dispose d'un nombre potentiellement illimité d'états, à la différence d'une machine finie. Donc si le cerveau possède ce type de supériorité par rapport, si l'esprit, excusez-moi, je suis en train de commettre des lapsus freudiens là, visiblement, c'est-à-dire j'ai tendance à penser le contraire de Gödel, peut-être j'ai tendance à sous-estimer l'acharnement avec lequel il essaie de distinguer l'esprit du cerveau. Il faut savoir que là, c'est pas une façon de parler, hein. Il a soutenu que, il a expliqué qu'il considérait comme un préjugé caractéristique de notre époque la tendance à supposer que l'esprit ne peut pas exister indépendamment d'un support corporel. Hein. Non seulement il était opposé au matérialisme, on voit que, au fond, il éprouve la plus grande suspicion à l'égard de l'idée que l'esprit pourrait finalement être identifié au cerveau, mais il est également antimoniste, si vous préférez. Il a une sympathie non dissimulée pour le dualisme, c'est-à-dire il défend également l'idée que l'esprit doit être capable d'exister indépendamment de toute espèce de support matériel. Donc, si c'est la première branche de l'alternative qui est vraie, c'est-à-dire si l'esprit et les capacités de l'esprit sont supérieures à celles de n'importe quelle machine finie, alors il est impossible de réduire l'esprit au cerveau, pour la raison que, je cite à nouveau Gödel, selon toutes les apparences, le cerveau est une machine finie, avec un nombre fini de parties, à savoir les neurones et leurs connexions. Si maintenant c'est la deuxième branche de l'alternative qui est la bonne, cela oblige à accepter une forme de réalisme ou de platonisme mathématique. Donc la deuxième branche de l'alternative, c'est l'existence de questions, en particulier des questions diophantiennes, qui pourraient se révéler être absolument indécidables. Alors, si c'est la deuxième branche de l'alternative qui est la bonne, cela oblige, dit Gödel, à accepter une forme de réalisme ou de platonisme mathématique, pour la raison que si les mathématiques étaient uniquement notre propre création, c'est-à-dire si les objets dont traitent les propositions mathématiques étaient entièrement créées par nous, les questions les concernant pourraient difficilement être absolument indécidables. Hein, c'est-à-dire que nous devrions être en mesure de décider n'importe quelle question concernant des objets qui sont, si l'on peut dire, nos propres créatures. Car, dit Gödel, je cite, « le créateur connaît nécessairement toutes les propriétés de ses créatures, car elles ne peuvent en avoir d'autres quelconques que celles qu'il leur a données. » C'est un sait qui me semble parfaitement contestable, mais c'est la conviction de Gödel, hein, c'est un des arguments qu'il utilise. Donc si les objets mathématiques étaient créés par nous, il ne devrait pas y avoir à leur sujet, il ne devrait pas pouvoir se poser à leur sujet des questions que nous pourrions nous trouver dans l'incapacité absolue et définitive donc des questions que nous serions dans l'incapacité absolue et définitive de décider à leur sujet. Le créateur connaît nécessairement toutes les propriétés de ses créatures, car ils ne peuvent en avoir d'autres quelconques que celles qu'il leur a données. Là, évidemment, on peut être tenté d'objecter que même en ce qui concerne les objets qui ont été créés par nous, il peut y avoir des questions qui sont extraordinairement difficiles et peut-être même impossibles à décider. Alors, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur cette question, parce que Gödel a tout de même quelques arguments. Bon, il ne se contente pas d'affirmer comme ça, de but en blanc, que le créateur connaît nécessairement toutes les propriétés de ses créatures. Mais ce que je voulais vous indiquer pour le moment, c'est que il considère au fond que toutes les raisons qui vont contre l'acceptation de l'idée qu'il pourrait exister des questions mathématiques absolument insolubles vont également contre l'antiréalisme. C'est-à-dire toutes les raisons de cette sorte parlent en faveur du réalisme mathématique, pour la raison que si, encore une fois, les objets mathématiques, au lieu, comme il le pense, d'exister dans un univers complètement indépendant de notre esprit et de ses activités, si les objets mathématiques étaient nos créatures, étaient créés par nous, alors ils seraient en quelque sorte transparents. Hein, ils jouiraient d'une certaine transparence qui aurait pour conséquence que nous devrions être capables de décider, et même probablement de décider assez facilement n'importe quelle question les concernant. Alors un point à la fois important et problématique est le suivant, étant donné qu'il résulte de ce que Gödel a démontré, qu'un système formel est une machine à démontrer des théorèmes, et que, étant donné qu'un système formel ou une machine à démontrer des théorèmes ne peut pas démontrer sa propre consistance, c'est ça que Gödel a démontré, c'est ce qui fait l'objet de ce qu'on appelle son deuxième théorème, donc un système formel ou une machine à démontrer des théorèmes ne peut pas démontrer sa propre consistance, il suffirait par conséquent en principe pour démontrer que l'esprit humain n'est pas une machine d'établir qu'il est en mesure de démontrer sa propre consistance. Voilà un problème qu'on peut se poser, que beaucoup de gens se sont posés. Est-ce que la supériorité de l'esprit humain, Gödel attribue Gödel est convaincu qu'il existe une supériorité intrinsèque de l'esprit humain sur n'importe quelle espèce de machine. Est-ce qu'une façon de caractériser cette supériorité de l'esprit humain sur la machine ne serait pas celle que je viens d'indiquer, c'est-à-dire, on sait, c'est Gödel qui l'a démontré, que un système formel ne peut pas démontrer sa propre consistance, mais peut-être que l'esprit humain, lui, est en mesure de démontrer sa propre consistance, ou en tout cas de la reconnaître d'une façon quelconque. Qui sait, peut-être même par une espèce d'intuition immédiate. Alors, ça c'est une question extrêmement délicate. Est-ce qu'on peut affirmer à coup sûr que l'esprit humain est capable de démontrer sa propre consistance? Dans quelle mesure pouvons-nous être certains? Premièrement, que nous sommes consistants. Vous me direz, il y a d'assez bonnes raisons empiriques de penser que nous le sommes, mais jusqu'à quel point pouvons-nous être certains que notre esprit constitue un système consistant? Et est-il possible, ce qui serait... mieux encore, est-il envisageable que nous disposions de quelque chose comme une démonstration de ce fait? Alors ce problème est discuté assez longuement par Hao Wang dans le livre déjà ancien « From Mathematics to Philosophy », donc je vous ai cité à des différentes reprises, donc c'est un livre de 1974. Vous voyez, page 317-321, donc il consacre une discussion assez détaillée à cette question. Dans quelle mesure l'esprit humain est-il en mesure de démontrer, ou disons plus modestement, d'établir sa propre consistance? Alors, des discussions qu'il a eues sur ce point avec Gödel, il tire la conclusion que, pour Gödel, à cause des paradoxes intentionnels non résolus, auxquels donnent lieu des concepts comme concept, proposition, démonstration, etc., la question reste pour l'instant encore ouverte, mais il n'y a pas de raison de la considérer comme insoluble. Donc cette question de savoir si l'esprit humain, à la différence d'un système formel ou d'une machine à démontrer des théorèmes, mais c'est la même chose, donc la question de savoir si l'esprit humain, à la différence d'un système formel quelconque, est en mesure de démontrer sa propre consistance, ce qui serait évidemment une preuve de supériorité extrêmement intéressante, Gödel considère qu'elle est pour l'instant non résolue, donc c'est une question qui reste ouverte. Il donne comme raison ce qu'il appelle des paradoxes intentionnels avec S, hein, concernant des concepts comme concept, démonstration, proposition, etc. Mais il n'y a pas de raison, d'après lui, de considérer cette question comme insoluble. Il dit ceci, un passage très révélateur, si nous en arrivons à une meilleure compréhension du concept général de démonstration, nous pouvons être en mesure de voir de façon directe que tout l'éventail de ce que nous sommes en mesure de démontrer mathématiquement est effectivement consistant. Donc, vous voyez, il suggère que si, quand nous en serons arrivés à une meilleure compréhension du concept général de démonstration, c'est-à-dire non pas simplement de tel ou tel concept de démonstration formelle lié à tel ou tel, à l'usage de tel ou tel système formel, mais quand nous en serons arrivés à une compréhension plus approfondie du concept général de démonstration, je cite, nous pouvons être en mesure, enfin peut-être, nous pourrons être en mesure de voir de façon directe que tout l'éventail de ce que nous sommes en mesure de démontrer mathématiquement est effectivement consistant. Donc nous disposerons peut-être d'une espèce de perception du fait que tout ce que nous sommes en mesure de démontrer mathématiquement est effectivement consistant, c'est-à-dire rien dans nos activités mathématiques, ne nous conduiront jamais à... un exemple quelconque de contradiction. Alors bien sûr, ça pose la question de savoir que peut signifier exactement une perception de ce fait. Gödel parle, encore une fois, de voir de façon directe que tout l'éventail de ce que nous sommes en mesure de démontrer mathématiquement est effectivement consistant. Je crois que ça aurait un peu inquiété l'Église, soit dit en passant, que quelqu'un puisse prétendre être en mesure de voir directement ce genre de choses, parce que l'Église était convaincue que on ne peut jamais être certain de cette façon, de la consistance. Hein. Il y a toujours la possibilité qu'il subsiste une contradiction cachée, vous comprenez, une contradiction qui ne nous est pas encore apparue, mais... Gödel a l'air de penser, enfin ça peut toujours être le cas dans un concept, hein, c'est bien pour ça que l'Église considérait comme extrêmement important de dans le cas d'un bon nombre de concepts, ne serait-ce que pour commencer le concept de Dieu lui-même, hein, il faut commencer par établir que ce concept est effectivement consistant, qu'il ne recèle pas une contradiction cachée. Et là vous voyez Gödel, bon, qui est effectivement quelqu'un de systématiquement optimiste, hein, sur les questions de ce genre, puisque Gödel a tendance à penser ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui, ben on peut toujours supposer que ça sera possible un jour. Alors, il est possible que, même sur une question comme ça, nous ne soyons pas en mesure d'établir, pour le moment, en tout cas d'établir de façon démonstrative, que l'esprit humain constitue un système consistant, mais il n'y a pas de raison d'abandonner tout espoir d'y réussir un jour. Hein. Nous pouvons être en mesure de voir de façon directe que tout l'éventail de ce que nous sommes en mesure de démontrer mathématiquement est effectivement consistant. S'il en est ainsi, l'intuition mathématique est, à la différence d'une calculatrice, capable de voir et de démontrer sa propre consistance. Voilà une phrase évidemment tout à fait importante, et en même temps... un peu déconcertante. S'il en est ainsi un jour, hein, encore une fois, c'est pas quelque chose qui pourrait être considéré comme vrai dès maintenant, mais il pourrait en être ainsi un jour. Et s'il en est ainsi un jour, l'intuition mathématique pourra être considérée, je cite Gödel, à la différence d'une calculatrice, comme capable de voir et de démontrer sa propre consistance. Ça serait une des façons dont se manifesterait la supériorité de l'esprit humain sur la machine, en relation avec, cette fois, le deuxième théorème de Gödel, qui établit qu'un système formel, d'une certaine sorte, c'est-à-dire à partir du moment où il contient simplement déjà une portion suffisante de l'arithmétique, ne peut pas contenir une démonstration de sa propre consistance. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Jacques Bouvresse. Présentation Christine Goémé, réalisation Jeanne Cherquefos.